Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. La LED d'Eugénie Foa. La Bibliothèque électronique du Québec, collection À tous les vents, volume 1165. La LED, édition de référence, Paris, Vimont, libraire-éditeur, 1852. Ne craignez pas de publier un ouvrage léger, mais craignez beaucoup de publier un ouvrage vide, Le Montais. Faites-nous, lui disent-ils, un conte qui achève de nous endormir, La Bruyère. Préface pour servir à la troisième édition. Je me désolais. Comment, disais-je à mon libraire, il n'y a pas d'auteur qui n'aille au moins à sa troisième édition. J'en ai connu qui allaient à leur huitième, neuvième, dixième, etc., etc. Et moi, monsieur, c'est tout au plus si j'atteins la seconde. Et encore. Ce n'est pas ma faute, madame, répondit-il en s'inclinant. C'est peut-être la mienne, répliquai-je, le regardant fixement. Un sourire réprimé fut sa réponse. C'est peut-être la mienne, répétai-je tout au rouge. Est-ce que mes livres ne sont pas bons? Très bons, madame. Au moins aussi bons que la plupart de ceux dont l'annonce dans le journal des débats est grande d'un demi-pied, dont l'affiche est beurre frais et sur laquelle suivent ces mots ornés de deux vignettes de Tony Joanneau. Au moins, madame. Je ne dis pas que tous, monsieur, ni moi, madame, toutefois, et quant aux vignettes de messieurs Alfred ou Tony Joanneau, si madame en voulait. Hélas, ce n'est point l'envie qui me manque, croyez-le, mais je n'ose. Ce charlatanisme d'auteur équivaudrait à une coquetterie de femme malentendue. Ce serait comme si je faisais relier en veau par Spackman et doré sur tranche les œuvres de messieurs tels ou tels. Je ne nomme pas, et pour cause. Un sarcasme en attire un autre, et j'ai peur. Ou bien, cela ne vous ferait-il pas l'effet de parures fraîches et jeunes, sous lesquelles apparaîtrait une peau sèche et fanée de vieille femme? Ou bien encore, la morse trompeuse d'une belle devanture de magasin, de riches cartons en décor l'intérieur. Entrez, ouvrez les cartons, rien dedans, ou des marchandises avariées. Non, monsieur, que le pinceau pur et élégant de messieurs Joanneau ne vienne pas embellir ma LED. À coup sûr, sa vignette vaudrait mieux que le livre. Et cette observation que j'ai faite sur plusieurs ouvrages, et que je répète ici pour mon compte, je serais désolé si on me la rendait. Mais revenons. Tenez, monsieur, je vous livre mon manuscrit. Je vous en prie, tâchez qu'il aille à sa troisième édition. D'abord, soyez averti. S'il n'y va pas, je crois que j'en mourrai. Je ferai mon possible, madame. Je parle sérieusement, monsieur. Et ce que je viens de vous dire n'est pas encore assez. Ce n'est pas une hyperbole en comparaison de ce que je ressens. Imaginez-vous, monsieur, que ces deux mots, troisième édition, ces deux mots, si simples en apparence, me poursuivent comme un cauchemar. Ces deux mots sont de plomb sur ma tête et sur mon cœur. Il me semble qu'un remords, et Dieu sait si j'ai fait du mal à quelqu'un, moi, je ne le crois pas. Il me semble, je dis, qu'un remords me brûle et me déchire. Cette seule idée qui remplit tout mon être me laisse dans l'âme un vide indéfinissable, une langueur qui n'est ni de l'ennui, ni du dégoût, mais pire que cela, si toutefois il y a quelque chose de pire que l'ennui et le dégoût. J'ai perdu tout sentiment de vie, de désir. Le plaisir ne s'offre à moi que pâle, sans chaleur. En voulez-vous un exemple? Vous savez, ces feuilletons que j'aime tant de M. Jules Janin. Jadis, quand ces feuilletons m'arrivaient, là où j'étais, je m'asseyais, je lisais. Personne n'osait ni me parler, ni remuer, ni m'interrompre dans ma lecture favorite. Eh bien, hier, préoccupé que j'étais par mon idée fixe, je n'ai déplié le journal des débats qu'une heure après l'avoir reçu. Et j'ai lu, vous aurez peut-être de la peine à le croire, j'ai lu le feuilleton en deux fois. C'est inouï. Ce n'est pas tout, monsieur. Vous avez vu, ainsi que moi, le fameux programme de M. Véron. Véron, le Bonaparte des directeurs, le régénérateur de l'opéra. Je l'ai vu, moi aussi, bien plus, je l'ai lu, et sur ma parole, je l'ai lu, sans la moindre émotion, sans m'écrier, j'irai. Mais vous irez, madame. Qui en doute ? Monsieur, écoutez encore, vous allez juger du marasme complet dans lequel je tombe. Simon, le fameux Simon, m'a envoyé un chapeau divin, un chapeau à se mettre à genoux devant. Je l'ai à peine regardé. Bruce m'a fait dire ce matin que le cachemire que je marchandais venait d'être vendu par la maladresse d'un commis. J'ai répondu, sans colère aucune, je vous le jure. Je donne 3 jours à M. Bruce pour se procurer le pareil, ou je ne remets plus les pieds chez lui. J'ai vu le temps, et ce temps n'est pas si éloigné que je ne me le rappelle, ou je n'aurais prononcé que la dernière phrase. Enfin, voulez-vous tout savoir ? Je me fais peindre par M. André, c'est... jeune homme qui, un jour, oubliant qu'il était rentier, chose la plus positive du monde, se sentit artiste. Il prit un pinceau, fut au musée, et son pinceau créait. « Mais je suis peintre, dit-il, et il l'était. Eh bien, grâce à cette idée qui m'inquiète et me tourmente, cette idée qui se reflète si triste sur mon visage, le rend maussade, boudeur. Hier, alors que je posais tout à coup, mon peintre se leva, défit sa palette, essuya ses pinceaux, serra ses couleurs. Je reviendrai quand madame se portera mieux. Et il s'en alla. Et moi, je restais toute ébahie, ne sachant pas que j'étais malade. Vous voyez bien, monsieur, que si vous ne faites pas aller mon livre à la 3e édition, au moins. Mais ce n'est pas bien difficile, madame. Vraiment ? Notre siècle fait tant de progrès. Mais si je n'en fais pas, moi, c'est peut-être ma faute. Voilà parler, je vous le disais bien. Je réponds à madame d'une 3e édition. Et, le manuscrit sous le bras, mon éditeur sortit du salon. Quelques jours après, son commis me porta un exemplaire de la LED. Je l'envoyai de suite au grand génie, à l'homme célèbre, au baron Dupuytren, comme un faible hommage à la reconnaissance que je lui porte. Je ne lui dois que la santé. « La 1ère édition est épuisée, » me dit le commis. « Faites la 2e !» répondis-je, déguisant sous un calme affecté la joie que cette nouvelle me causait. La 2e fut tirée à 4 exemplaires. Je ne mens pas, à 4, ni plus, ni moins. Une amie qui ne savait que faire de son argent en acheta un. À ma prière, mon oncle prit le 2. Les 2 autres furent envoyés aux journaux. « Faut-il faire la 3e édition ?» m'écrivit mon éditeur. « Belle demande, monsieur. Or, c'est cette 3e édition que je vous offre aujourd'hui. Le prodigieux succès et l'enlèvement des 2 premières nous l'a fait tirer de suite et sans hésiter à 21 exemplaires. C'est beaucoup par le temps qui court. Mais, protégés que nous sommes par quelques hommes de lettres doués de bonne volonté et surtout d'une forte dose d'indulgence, nous espérons que notre édition s'écoulera lentement, peut-être, mais vous savez qu'avec un peu de patience, on vient à bout de tant d'obstacles. Alors, oh, alors, vous croyez peut-être que nous vous offrirons la 4e édition ? Détrompez-vous. La 1ère ne nous a pas rapporté grand-chose. Vous avez dû le voir. La 2e a épuisé les fonds que j'avais mis en réserve. La 3e m'a ruiné. La 4e, sans nul doute, ruinerait mon libraire, ce dont Dieu le garde, et vous aussi. Fort heureuse, encore, si le lecteur, après avoir fini ce livre, ce que nous désirons sans l'espérer, ne se met pas à crier « Haro !» et sur l'auteur qui l'a fait, et sur le libraire qui le lui vend ou le lui loue. Ce que pourtant je ne crois pas, tant nous avons bonne opinion de nous, et surtout de modestie. Tout cela est bien frivole, diront d'aucuns, feuilletant avec l'index. Pas si frivole que cela le paraît, monsieur. Et puis, voyez-vous, il n'y a rien de si frivole qu'on ne puisse en tirer quelque chose de bon. À ce propos, je me souviens d'une phrase de Le Montais. Ne craignez pas de publier un ouvrage léger, mais craignez beaucoup de publier un ouvrage vide. Et certes, si nous abusons du privilège de publier un ouvrage léger, nous ferons au moins notre possible pour ne pas nous attirer le 2e reproche. Mon Dieu, oui, car l'histoire que je vais vous raconter est bien simple et n'en donne pas moins beaucoup à penser, je vous assure. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'abord rieuse, naïve, puis devenue tout à coup, et cela du soir au lendemain matin, grave, sérieuse. Personne ne sut jamais pourquoi. Bonne et douce créature, Berthe avait reçu du ciel une âme qui fit son malheur. Son pèlerinage sur cette terre fut court, elle ne fit qu'y passer, ne laissant après elle qu'un souvenir, suave comme le parfum d'une fleur. Éloignée du monde par sa triste conformation, à l'âge où les jeunes filles dansent et rient, Berthe souffrait et pleurait. Mais cette solitude, à laquelle si jeune elle s'était condamnée, ne pouvait suffire à cet être expansif. Pleine d'âme, de sentiments, il lui fallait déverser au dehors les fruits d'une imagination vaste et ardente. Il lui fallait jeter sur un froid papier tout ce qui lui venait de brûlant, là, dans la tête, là, dans le cœur. Elle se sentait jeune et vivace créature, une sève extraordinaire, un besoin irrésistible de causer, pour ainsi dire, avec son âme. Il est des pensées qui naissent à notre insu, qui s'emparent de nous, de nos facultés, et auxquelles il faut obéir, forcé qu'on y est par une puissance supérieure, puissance pleine de charme et d'abandon, qui se prend à vous, vous fait vivre, car c'est par elle que l'on sent, que l'on vit, puissance à laquelle on cède, mais, par entraînement plutôt que par obéissance, la puissance d'écrire. Berthe s'y abandonnait avec une sorte d'ivresse, de frénésie. Écrire était sa vie, elle n'en avait pas d'autre. Peut-être vous l'ignorez, mais elles sont bien précieuses, les heures que l'on passe occupées des rêves brillants de son imagination. Créant autour de soi des êtres fantastiques, les animant de votre vie, vous leur voyez prendre une couleur, une âme, ils sont réels, ils sont là, près de vous. Vous leur parlez, écoutez leurs réponses, vous les boudez ou leur souriez. Ce sont vos amis ou vos ennemis. Au besoin, vous pourriez décrire leur visage, leur langage, jusque à leur costume. Et, bercé de ces chimères, vous en venez, non à oublier vos peines, c'est impossible, mais à y faire diversion quelques instants. Et ces quelques instants sont beaucoup, croyez-moi. Donc, Berthe écrivait, mais, honteuse de ce travers d'esprit, ainsi pensait-elle, elle cachait son nom. « Une femme doit avouer tout ce qu'elle fait, lui dis-je un jour. Tout, hors le bien, qu'il faut taire par modestie, et le mal par pudeur. » À ce compte, la dissimulation serait la première de nos vertus, nous, femmes. Non la dissimulation, mais la discrétion. Je souris. Écoute, Eugénie, reprit-elle, si sérieuse que mon cœur se serra. Écoute, je ne puis vivre plus longtemps. Je tue mon cœur dans ma tête, et ma tête tue mon âme. Au reste, je ne dois, je ne peux même le désirer. Si tu savais tout ce qu'il y a de souffrance dans mon être. Hélas, pourquoi chercher la célébrité, vaine gloire d'un monde prestigieux? Cette célébrité qui ne flatte l'âme qu'autant qu'elle satisfait le cœur. Que m'importe à moi des louanges hautes et fières, si jamais une voix amie ne doit les murmurer doucement à mon oreille? Que m'importe tous ces regards d'envie, si jamais un regard doux et significatif ne doit venir me complimenter? Les premiers, la nature me les a interdits. Encore une fois, que m'importent les autres? Dis. Je me taisais. Un cahier était devant Berthe. Elle feuilletait, une larme dans l'œil. C'était l'histoire de son enfance. Elle avait écrite à 15 ans, légère, sans souci. Elle l'interrompit brusquement la veille d'un bal. Une soirée lui avait suffi pour comprendre que le bonheur n'était pas fait pour elle. Je vous dirai tout. Pardonnez le voile de mélancolie qui, malgré moi, s'est glissé dans mon récit. Encore ému du son de sa voix qui vibrait, si touchant à mon oreille. Le cœur navré, j'écrivais. une idée un peu forte peut-être pour une jeune femme, termine son histoire et sa vie. Mais elle avait tant souffert, cette jeune femme, de grâce, ne la jugez pas, excusez-la plutôt. Quelques contes, chroniques, légendes, tout comme il vous plaira les appeler, feront la seconde partie de cet ouvrage. Aussitôt que je les aurai mis en ordre, je les publierai. Composés, soit dans des moments de folle joie, plus souvent dans des accès de sombre tristesse, chaque morceau porte le cachet de ces moments d'inspiration. Je laisserai subsister le titre qu'un soir, devant moi, elle mit en badinant les contes d'une laide. Au reste, je souhaite que tout cela vous amuse, c'est du moins mon intention. Tenez-moi compte de l'intention, je vous prie. Eugénie Foa.